travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940. Pour nous, mondialisation, c'est un mot positif. On a une capacité d'absorber tout ce qui est étrangère et pour en faire quelque chose de chinois. La Chine, à plusieurs reprises, ouvre ses portes. C'était l'époque où la Chine était confiante en elle-même. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Depuis quelques décennies, depuis que la mondialisation paraît s'être imposée comme propre à caractériser notre temps, la formule a fini par perdre beaucoup de sa précision et peut-être de sa validité explicative. Les polémiques s'en mêlent abondamment, au cœur de multiples controverses, et les historiens s'en sont sentis aiguillonnés, conformément à leur vocation, pour replacer cette notion dans la longue durée. Puisqu'ils sont soucieux, comme toujours, de ne pas exagérer l'inédit, ils ont rappelé que les traits qui caractérisent ce phénomène planétaire peuvent, pour une bonne part, se retrouver à d'autres époques dans la chronique de l'humanité. Et d'autre part, ils se sont attachés, je parle des chercheurs occidentaux, à prendre de la distance par rapport à une littérature scientifique qui était demeurée longtemps européocentrée, selon une vision qui était héritée du XIXe siècle et marquée par la colonisation. Il existe bien des façons de contribuer à cet indispensable recentrage. Je vous en propose une ce matin, en complicité avec Pierre Saint-Garavelou. Professeur à la Sorbonne et à King's College à Londres, il est l'auteur, entre divers ouvrages qui l'ont installé comme l'un des plus importants historiens de sa génération, celle des quadragénaires, d'un livre autour duquel nous allons construire cette émission. Il y braque l'attention sur la ville de Tianjin en Chine, nous disions naguère Tianjin, au tout début du XXe siècle. La célèbre révolte des boxers, brutalement réprimée par des forces internationales, celles de 8 puissances étrangères, a conduit à instituer là, pendant un bref moment, le premier gouvernement international de l'époque contemporaine. Cette expérience rare a des choses à nous dire sur la genèse des 120 années qui ont suivi. Sur la Chine contemporaine, bien sûr, mais plus largement sur le monde qui est le nôtre. Un État plus ancien que l'histoire, toujours résolu à l'indépendance, qui s'est constamment efforcé à la centralisation, d'instinct replié sur lui-même et dédaigneux des étrangers, mais conscient et orgueilleux d'une immuable pérennité, telle est la Chine de toujours. L'entrée en contact de ce pays-là avec les nations modernes lui a été très dure et très coûteuse. Les multiples sommations, interventions, expéditions, invasions européennes, américaines, japonaises lui ont été autant d'humiliations et de démembrements. Alors, tant de secousses nationales et aussi la volonté des élites de transformer coûte que coûte leur pays pour qu'il atteigne à la condition et à la puissance des peuples qui l'avaient opprimé ont conduit la Chine à la révolution. Pierre Saint-Garavelou, bonjour. Bonjour. Ai-je besoin de vous présenter le général de Gaulle ? Non, j'ai reconnu son discours de 1964. Le 31 octobre 64, où il explique pourquoi la France a pris la décision, avant la plupart des nations du monde occidental, de reconnaître la Chine communiste. Et le tableau qu'il fait de la très longue durée de ce pays, j'avais le goût que vous le commentiez. Oui, alors dans ce discours, il est à la fois lucide et conformiste. Lucide parce qu'il reconnaît l'ancienneté de l'existence de cette entité politique Chine. L'Empire chinois est sans doute le plus ancien empire existant encore aujourd'hui sous la forme de la République populaire de Chine, quasiment dans les mêmes frontières que l'Empire chinois quelques siècles avant notre ère. Et en même temps, Charles de Gaulle se trompe lorsqu'il insiste sur une forme de xénophobie qui aurait caractérisé la Chine depuis plus de deux millénaires. Mais on nous apprenait ça à l'école aussi quelque temps. Oui, cette fermeture de la Chine par rapport aux influences extérieures, eh bien c'est un lieu commun, car la Chine n'a cessé de se nourrir à la fois d'influences extérieures, mais aussi elle a été, par exemple, dirigée au XIIIe siècle par une dynastie étrangère, les Mongols, les Yuan, puis par une dynastie mandchoue à partir du XVIIe siècle, les Qing. Et puis, faut pas oublier que la Chine est beaucoup influencée par exemple le christianisme à partir du milieu du XIXe siècle avec la révolte des Taiping qui est menée par le fameux Hong qui est un converti au protestantisme. L'arrivée des fameux jésuites est antérieure. Exactement, oui, il est précisément ce Hong qui est un chinois du sud est influencé par des tracts rédigés par en l'occurrence des missionnaires protestants au lendemain de la première guerre de l'opium. Et ces influences extérieures vont marquer au fond le pays jusque au capitalisme financier actuel, mais on peut évidemment revenir sur l'influence de l'URSS et du communisme sur un Mao Zedong par exemple. Et donc cette Chine qu'on dit fermée sur le monde n'a cessé de se réinventer en digérant ces idéologies, ces doctrines dites étrangères, en les adaptant. Et en bougeant, Alain Perfit, qui s'était voulu, qui a été d'ailleurs un peu le Lascaz de De Gaulle, Alain Perfit avait publié un livre qui s'appelait « L'Empire immobile ». C'était très malvenu, en fait. Oui, bien sûr, ça correspondait au fond à ce lieu commun très courant à l'époque dans le discours politique, mais aussi dans les travaux savants et dans une grande partie de la sinologie européenne et américaine, qui considérait que, au fond, la Chine s'était fermée aux influences étrangères pendant plusieurs siècles avant d'avoir été contrainte à s'ouvrir par les puissances étrangères dont nous allons parler aujourd'hui. Breaking of China, comme on disait du côté des Américains et des Anglais. Oui, c'était l'expression retenue, cette ouverture forcée à travers les fameuses guerres de l'opium à partir de 1839. Donc nous allons faire un zoom. J'ai le droit d'un mot américain actuellement, en plus on peut difficilement faire l'économie. J'ai le droit à un zoom sur cette période passionnante que vous évoquez, c'est-à-dire le tournant du 19e et du 20e siècle, puisque vous nous emmenez à Tianjin en 1900. Il va falloir que vous nous expliquiez pourquoi ce choix, quel est l'intérêt de cette période, et pourquoi, à juste titre, je crois, vous parlez de microcosme. Microcosme, je n'emploie pas l'expression au sens où Raymond Barre l'employait autrefois, de façon d'ailleurs indue, pour caractériser le monde à ses yeux, fermé sur lui-même du Parlement et des hommes politiques, mais au sens propre, c'est-à-dire une réduction du macrocosme, une réduction du monde entier qui vient par conséquent parler pour beaucoup plus que lui-même. Oui, alors Tianjin, comme vous l'avez rappelé, Tianxin, comme on disait au 19e et dans une bonne partie du 20e siècle. Qu'est-ce qu'il faut dire alors, dites-moi. On peut dire Tianjin aujourd'hui. C'est une ville qui est méconnue en Europe et plus largement en Occident, car on s'est focalisé à partir de la Première Guerre mondiale plutôt sur Shanghai et puis sur la capitale impériale Pékin. Et Canton au sud. Beijing et Canton au sud, bien entendu, depuis la Première Guerre de l'opium. Pourtant, Tianjin est une ville qui fascine la plupart des nations étrangères à partir du milieu du 19e siècle, car Tianjin est non seulement la seconde métropole économique chinoise, elle se situe au nord-est de la Chine, au bord du golfe de Bohai, à 130 km à peine de Pékin. Et cette ville est donc le second pôle économique du pays après Shanghai, et c'est le second centre également culturelle et politique après Pékin. Mais ce qui intéresse tout particulièrement les puissances étrangères, c'est qu'en fait Tianjin, à partir du milieu du 19e siècle, est devenue la véritable capitale diplomatique de l'Empire. Car l'empereur résidant à Pékin, ne voulant pas s'exposer à d'éventuelles humiliations lors de négociations diplomatiques avec les puissances étrangères, eh bien, a délocalisé son ministère des Affaires étrangères. Avec un viceroi tout puissant. Avec un viceroi tout puissant, exactement. Li Hongzhang. Et ensuite Yuan Shikai. Précisément, Li Hongzhang puis Yuan Shikai. Li Hongzhang, eh bien, réside à partir des années 1860 en tant que vice-roi ou gouverneur de la province du Jili, dans cette ville de Tianjin, où il a installé ses quartiers, où, eh bien, tout simplement, il signe les principaux traités internationaux avec les puissances étrangères, de la France jusqu'au Brésil, pendant cette seconde moitié du 19e siècle. La ville, géographiquement, est située à la rencontre d'un fleuve important et d'un grand canal qui ne l'est pas moins. Précisément, elle est située au croisement du fleuve Haihe et du grand canal qui permet de rejoindre le centre de la Chine et qui explique pourquoi Tianjin joue un rôle économique central. C'est la capitale économique du nord du pays. C'est à travers Tianjin que Pékin, le centre impérial, eh bien, est ravitaillé. C'est Tianjin qui, par exemple, eh bien, accueille les principales réserves de sel, qui est évidemment une ressource stratégique à cette époque, pour tout l'Empire. L'attention a été attirée, l'attention du monde occidental, une première fois sur Tianjin, par un massacre d'un certain nombre de missionnaires. Oui, c'est la première fois que l'on parle de Tianjin dans la plupart des journaux du monde, en 1870, puisque c'est à ce moment-là qu'une partie de la population va se rebeller contre la présence étrangère, notamment la présence étrangère qui se manifeste à cette époque par l'omniprésence, si je puis dire, des missionnaires dans cette ville de Tianjin, puisque j'ai écrit qu'à cette époque, au fond, eh bien, Tianjin est une espèce de royaume catholique, puisqu'à partir de 1860, la France exerce une sorte de protectorat sur les catholiques chinois dans l'Empire. Et la France va promouvoir cette présence catholique à Tianjin, puisque les missions lazaristes, des jésuites, vont s'installer en nombre dans la ville. Et cette présence très forte des catholiques et également des protestants, d'autres nations européennes, eh bien, va susciter un certain nombre de contestations qui vont se traduire en 1870 par ce massacre. Quelques années après la seconde guerre de l'opium, qui a été un moment essentiel, en fait, pour briser la défense de la Chine. Oui, alors ces guerres de l'opium jouent un rôle très important. Première guerre de l'opium en 1839, entre 1839 et 1842. La deuxième guerre de l'opium entre 1856 et 1860 sont des moments cruciaux au travers desquels, eh bien, les puissances occidentales, à commencer par la Grande-Bretagne, concernant la première guerre de l'opium, et puis la Grande-Bretagne et la France pour la seconde guerre de l'opium, associée aux États-Unis. Avec l'affreux sac du Palais d'été. Oui, parviennent à obtenir de nouveaux avantages commerciaux concernant notamment le trafic, le commerce de l'opium, qui était interdit. C'est bien la raison du déclenchement de la première guerre de l'opium en 1839. Commerce de l'opium interdit par le gouvernement impérial chinois, qui considérait que ce commerce de l'opium, eh bien, suscitait des dégâts sanitaires trop importants dans la population chinoise, et notamment, il était source d'un appauvrissement des finances publiques chinoises, puisque les Chinois consommaient beaucoup trop d'opium, l'opium qui provenait précisément de l'Empire britannique, plus précisément de l'Inde. Opium produit en Inde, et ensuite vendu par les Britanniques, mais aussi par des commerçants indiens, directement aux Chinois. Alors, comme il est naturel, si on se rapproche de votre moment essentiel, c'est-à-dire 1900-1902, on retrouve parmi les dirigeants chinois deux tendances, tendance conservatrice, attention, replions-nous, et une tendance au contraire qui porte l'idée qu'il faut acquérir ce qu'il y a de meilleur parmi les puissances occidentales afin de se défendre contre elles. Écoutez donc ce propos de l'empereur Kongzhu en août 1898. Cette lecture a été diffusée dans l'émission La Tribune de l'Histoire le 29 juin 1963. Il lance un appel au pays, vous l'expliciterez après si vous le voulez bien, Pierre Saint-Garavelou. En promouvant des réformes, nous avons adopté certaines méthodes européennes, parce que tandis que la Chine et l'Europe sont semblables, en ce qu'elles tiennent toutes deux que le premier objet d'un gouvernement devrait être la prospérité du peuple, l'Europe s'est avancée plus loin que nous sur cette route. De sorte que par l'introduction des méthodes européennes, nous ne faisons que parer aux déficiences de la Chine. Mais nos hommes d'État et nos lettrés sont si ignorants de ce qui existe au-delà de nos frontières qu'ils considèrent l'Europe comme ne possédant aucune civilisation. En outre, les puissances étrangères n'entourent-elles pas notre empire comme étant de fréquents actes d'agression, à moins que nous n'apprenions et fassions nôtres les sources de leurs forces, il n'est pas de remède à notre condition. Lorsque je songe combien profonde est l'ignorance des masses dans les régions de l'intérieur quant aux réformes que je projette, mon cœur se remplit de soucis et de chagrin. C'est pourquoi je proclame ici mes intentions. De manière à ce que l'Empire tout entier sache et croie qu'il lui faut faire confiance en son souverain et que le peuple puisse coopérer avec moi à la réalisation des réformes et au renforcement de notre pays. Ceci est mon espoir le plus sincère. Son espoir le plus sincère, l'espoir de l'empereur, espoir qui a rencontré l'histoire ou qui a été déçu? Alors c'est l'histoire d'un possible politique formulé par l'empereur Guangxu précisément en 1898, plus connu aujourd'hui dans l'historiographie sous le nom de réforme des 100 jours. Et l'empereur Guangxu, assisté par un groupe d'intellectuels, de jeunes intellectuels, dont le fameux Liang Qichao, qui va être le créateur officiel de l'historiographie de l'histoire et l'historiographie moderne chinoise au début du XXe siècle, eh bien, Guangxu propose de réformer l'Empire. Il propose de réformer l'Empire dans à peu près tous les domaines, notamment essayant de mettre en place une monarchie parlementaire, c'est-à-dire de rompre avec cette tradition du pouvoir absolu impérial. Il va essayer de supprimer les examens mandarinaux, c'est-à-dire de mettre un terme aussi au pouvoir des mandarins. Il va essayer aussi de réformer l'enseignement supérieur, enfin de mettre en place toute une série de réformes qui vont susciter l'ire des conservateurs, du parti des conservateurs au sein de la cour impériale, dont le général Ronglou et évidemment l'impératrice Shi. Celle que nous appelions Cui dans nos manuels d'autrefois. Précisément. Que les choses soient claires. Précisément l'impératrice Shi qui, eh bien, va préparer un coup d'État avec ce général Ronglou et mettre un terme à cette tentative de réforme très rapidement au bout de quelques mois. Et on est là dans la conjoncture précisément qui vous intéresse, c'est-à-dire celle des violents mouvements qui vont agiter la ville de Tianjin et qui méritent maintenant qu'on s'attarde sur eux. Oui, parce que précisément en 1898 émerge et se développe un nouveau mouvement politique à côté de Tianjin, dans la province du Shandong, au nord-est de la Chine, des jeunes femmes, des jeunes hommes, qu'on va dénommer très rapidement les boxeurs en raison de leur grande maîtrise des arts martiaux et notamment d'une certaine forme de kung-fu. C'est les points de justice, nous dit-on. Oui, parce qu'ils sont à l'origine de plusieurs sociétés secrètes. Et ces jeunes gens, eh bien, vont fédérer de plus en plus d'artisans, de paysans dans ce nord-est de la Chine, des Chinois qui sont marqués, appauvris considérablement par une succession de sécheresses et d'inondations à ce moment-là, à partir de 1898. Donc de famine. Et qui considèrent que les responsables de ces catastrophes naturelles, eh bien, sont les étrangers. Et la présence étrangère en Chine, qui prend la forme depuis la seconde guerre de l'opium de ces missionnaires et de ces aussi Chinois convertis au christianisme, au catholicisme et au protestantisme. Et donc ces boxers vont s'en prendre systématiquement à partir de 1898 dans les campagnes, eh bien aux petites églises, aux missionnaires étrangers, aux rares missionnaires étrangers qui sont présents, et puis surtout aux Chinois convertis au christianisme. Et ça va se concentrer dans ce qu'on appelle déjà les concessions étrangères, c'est-à-dire à Tianjin. Oui, car les boxeurs s'attaquent précisément au principal symbole de la modernité importée, de la, cette modernisation importée que représente Tianjin, puisque Tianjin, depuis plusieurs décennies, sous la férule de Li Rongjiang, hein, le gouverneur de Tianjin dont nous avons parlé, une sorte de vice-roi. Le vice-roi, eh bien, a transformé cette ville de Tianjin en laboratoire de la modernité chinoise, en installant sur place, eh bien, le premier télégraphe, la première gare ferroviaire, le premier système postal, la première université à l'occidental. Et donc, Tianjin est connu dans toute la Chine pour être ce symbole d'une modernisation à l'occidental. Donc, il attire, évidemment, les coups de ceux qui refusent cette évolution. Bien, bien entendu. Et donc, les boxeurs en font un objectif politique dès le printemps 1900. Prennent possession de la ville à ce moment-là et en font une véritable capitale révolutionnaire, une commune insurrectionnelle. Il faut dire que c'est une ville qui est assez étrange par son côté international, justement. Je vois que le journaliste John Hersey, très fameux en son temps, journaliste britannique, qui a vécu son enfance à Tianjin, écrit « Dans quelle ville étrange ai-je grandi ? Pour 3 ou 4 monnaies en bronze, je pouvais aller en pousse-pousse de chez moi en Angleterre. » Vers l'Italie, l'Allemagne, le Japon ou la Belgique. Je marchais jusqu'en France pour suivre des leçons de violon. Je devais traverser la rivière pour me rendre en Russie, ce que je ne manquais pas de faire parce que les Russes possédaient un beau parc boisé avec un lac. Je sentais alors l'odeur bizarre des têtards capturés dans les eaux russes et rapportés en Angleterre. C'est un concentré des puissances étrangères, peut-être un Capharnaüm par moment. Oui, Tianjin est, comme vous l'avez dit en commençant, Tianjin est un véritable microcosme. C'est un apax legomenon dans l'histoire contemporaine mondiale, la seule ville où ont été créées 9 concessions étrangères différentes, c'est-à-dire une ville où se retrouvent la plupart des grandes puissances du monde qui créent sur place des espèces de micro-colonies, hein, puisque les concessions, au fond, légalement, ce sont des locations, puisque la Chine demeure souveraine sur ces territoires, mais en réalité, ce sont des micro-colonies où chaque puissance étrangère s'organise comme elle le souhaite. Et donc, ces puissances étrangères présentes à Tianjin depuis les années 1860 jusqu'en 1902, date à laquelle la dernière concession étrangère est fondée, celle de la Belgique, eh bien, ce sont 9 puissances, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Russie, le Japon. J'ai dit 8, j'ai dû en oublier une. L'Autriche-Hongrie, la Belgique, l'Italie. Ah, c'est la Belgique qui est arrivée après. Belgique arrive après. Je suis pardonné. Ces puissances étrangères, dans chaque concession, vont instaurer leur propre régime politique d'une certaine manière, leur propre droit, puisque ces concessions bénéficieront d'un statut d'extraterritorialité. C'est tout leur intérêt, y compris pour les Chinois qui veulent s'y installer. Et donc, dans chacune de ces concessions, vont aussi se développer des pratiques sociales et culturelles, avec des restaurants présentant la gastronomie de chaque pays. Chaque concession aussi sera marquée par des formes architecturales spécifiques, qui fait que, eh bien, lorsqu'un visiteur se promène au début du XXe siècle dans Tianjin, eh bien, il peut croiser torii japonais, c'est-à-dire ces portails monumentaux qu'on retrouve au Japon, des villas toscanes, des maisons bavaroises. Ça évoque un peu, au fond, l'exposition universelle qui, au même moment, se tient à Paris, avec ce genre de concomitance entre des expressions architecturales venues d'un peu partout. Exactement, ça correspond à cette rue des nations qu'on retrouve à 8000 km de là en 1900. C'est cette même idée d'une vitrine, au fond, eh bien, du génie, c'est comme cela qu'on le conçoit à l'époque, du génie de chaque nation dans tous les domaines. Et donc, chaque pays rivalise à ce moment-là de savoir-faire et se concentre précisément, d'où les investissements considérables qui sont effectués à l'époque, puisque chacun veut exceller dans ses différents domaines. Symboliquement, la grande rue qui parcourt la ville s'appelle successivement rue de France, Victoria Road et aussi Kaiser Wilhelm Strasse. Oui, cette artère principale change de nom en fonction évidemment de la concession qu'elle traverse. Alors ce sont ces représentants des nations occidentales, ce sont ces consuls et les petites communautés qui sont autour qui vont rendre compte de ce qui se passe en Europe. Et leur regard n'est pas sans être marqué par quelques stéréotypes. Il y a un fameux consul à ce moment-là, français, à Futsu, qui s'appelle Paul Claudel, et qui, un demi-siècle plus tard, en 1951, raconte ce qu'ont été ses premières impressions. Vous allez voir, C'est un peu surprenant. Il parle à Jean Amrouche dans une fameuse série d'entretiens que, à l'époque, la chaîne culturelle avec Henri Barrault avait mise en mouvement. Il y a aussi André Gide, Mauriac, etc. En l'occurrence, Paul Claudel, 1951. Écoutez bien, Pierre Saint-Garavelou. C'est un peuple de bonne humeur, un peuple optimiste. C'est un des peuples les plus malheureux, comme on dit, ou du moins les plus misérables qui existent. La misère en Chine dépasse toute proportion avec ce que nous savons en Europe. Et en même temps, vous ne voyez que des gens qui rient, qui ont l'air heureux, même un mendiant, même un lépreux, même des gens qui vivent dans les conditions les plus misérables. Eh bien, une petite pipe de tabac, une petite, toute petite coupe d'alcool de riz qu'ils boivent, un ami qui vient causer avec eux, une partie de dés ou de cartes qu'ils font ensemble, les rend parfaitement heureux. Ils vivent dans le moment présent et ne s'en font pas, comme on dit. J'ai trouvé ça une leçon extrêmement profitable pour moi. C'est ça qui me rend surtout le Chinois sympathique. Et en même temps, c'est un peuple, j'appellerais naïf, qui ne cherche pas, n'a pas de soucis artificiels, qui prend les choses comme elles viennent et qui a une espèce de reconnaissance instinctive avec les bons moments de la vie, si courts qu'ils puissent être, et qui prend avec une espèce d'entrain même toutes les mauvaises qu'il peut y avoir. Et Dieu sait que les mauvaises choses sont nombreuses et fortes en Chine. Et en plus, le Chinois a un don de camaraderie. Il a un don de presque animal de vivre en compagnie avec les camarades, avec ses amis, avec sa famille. Et ça aussi me plaisait énormément. Et puis enfin, la Chine a une vieille tradition artistique. On est entouré de choses extrêmement belles, extrêmement intéressantes, pas toujours de choses extrêmement propres, mais ça, ce côté animal et naïf, séparé de toute espèce d'abstraction, de toute espèce de choses artificielles qui plaît beaucoup à un artiste et à un poète. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeanneney. En somme, si je comprends bien, tous ces occidentaux qui étaient à Tientsin en ce début du XXe siècle se mouvaient parmi des animaux un peu sales, mais très sympathiques. Le Chinois, on est en plein stéréotype. Oui, c'est très intéressant, d'autant que Paul Claudel a été consul de France à Tianjin en 1909-1910. Il en garde un assez mauvais souvenir. Il considère que Tianjin, alors, et je crois que sa formule, c'est Tianjin est à la lisière du pays, et donc c'est une ville qui, peut-être, pour lui, est trop cosmopolite, pas assez représentative de la Chine profonde. De l'idée qu'il se fait du Chinois. De l'idée qu'il se fait du Chinois, précisément, on voit bien là le syntagme « le Chinois est », donc qui est caractéristique de du discours colonial de cette époque, de ce qu'on appelait la science coloniale. Hein, encore d'entre les deux guerres, on a beaucoup réfléchi à l'âme des peuples, comme a dit plus tard Siegfried. Exactement. Siegfried qui, en 1951, publie cet ouvrage « L'âme des peuples », qui est fondamental pour comprendre cet état d'esprit et cette manière de voir les choses. Et donc, au fond, Claudel reprend toute une série de stéréotypes dont certains sont encore présents aujourd'hui dans l'imaginaire collectif. Lesquels en particulier ? On retrouve parfois, dans certains discours, cette idée de la saleté, par exemple, qui peut revenir. Cette idée, surtout, du fatalisme des Chinois, des Asiatiques en général, des Indiens aussi. Fatalisme dans un contexte social, économique, souvent difficile. Et puis, cette idée du bonheur qui serait partagé par la population aussi. À bon marché, bonheur. Oui, c'est ça, bonheur à bon marché. D'où surprise quand cette Chine supposée immobile se met à bouger. Oui, oui, oui. Et alors, ce qui est intéressant aussi dans ces représentations de Claudel, eh bien, c'est que c'est une variante par rapport à la vision dominante à la fin du 19e siècle qui nous intéresse aujourd'hui sur le péril jaune. Puisque cette idée du péril jaune apparaît officiellement en 1895 dans un rêve qu'aurait fait Guillaume II, où il aurait vu apparaître sur un nuage un Bouddha menaçant les nations européennes. Cette idée du péril jaune, eh bien, va irriguer l'imaginaire occidental pendant toute une grande partie du XXe siècle. Donc, quelques résurgences peut-être aussi, pas seulement dans la tête de Monsieur Trump. Bien sûr, avec des résurgences aujourd'hui, toujours cette idée d'une Chine et d'une Asie en général, populeuse, menaçante parce que avec une démographie galopante, et puis industrieuse aussi de plus en plus, hein, puisque c'est cette menace d'une Chine dont l'économie se développe et dont l'industrie se développe tout au long du siècle. Les stéréotypes ne fonctionnent pas dans un seul sens, j'imagine. Il y a aussi les stéréotypes, les clichés nourris par les Chinois envers ce qu'on appelait les barbares hollandais dans nos romans d'enfants. Oui, c'est juste, hein, les Chinois nourrissent un certain mépris à l'égard des populations occidentales, des populations européennes qui sont considérées comme barbares jusqu'à l'extrême fin du 19e siècle, hein, dans les textes, et notamment les textes des voyageurs chinois depuis des siècles, on les décrit comme des êtres poilus qui sentent très fort et qui n'ont précisément rien à apporter d'un point de vue culturel à la civilisation chinoise. On imagine un Claudel chinois disant « l'Européen est assez proche des animaux et il est très sale ». Alors, pour restituer ce qu'était le regard des Occidentaux sur ce morceau spécifique de la Chine que vous étudiez, Pierre Saint-Garavelou, c'est-à-dire Tianjin, en 1900, je vous propose un article de Jean Frollo, qui était un journaliste notoire à l'époque, dans le Petit Parisien, sur la révolte des boxeurs en Chine. On est le 2 juin 1900, quelques semaines avant le moment dramatique de la prise de la citadelle de Tianjin et ensuite de la terrible répression occidentale. C'est un extrait qui est lu par Nathalie Canoui dans La Fabrique de l'Histoire, d'Emmanuel Laurentin sur France Culture le 1er décembre 2017. L'Europe commence à s'émouvoir de l'extension que prend l'insurrection des boxers en Chine. Quand cette insurrection éclata, on ne voulut croire qu'à un mouvement local qui serait vite réprimé. Or, non seulement il prit rapidement des proportions alarmantes, mais encore, rien ne fut tenté par le gouvernement de Pékin pour l'entraver. On apprenait de jour en jour la marche en avant des insurgés qui incendiaient, pillaient et assassinaient sur leur route, forçant les résidents étrangers à fuir les localités où ils entraient en maître, faisant même des prisonniers parmi les Européens. Les boxers, disait une dépêche de Tianjin, marchent sur Pékin. Et il ne paraît que trop certain qu'ils y arriveraient si cette armée de rebelles n'était point arrêtée par l'intervention de l'Europe. On a tout lieu de penser en effet que cette formidable révolte pourrait bien avoir été préparée, favorisée en tout cas, par l'impératrice mère et ses mandarins qui veulent à tout prix, bien qu'ils affirment publiquement le contraire, empêcher les progrès de l'influence européenne. N'osant ouvertement refuser d'ouvrir la Chine aux étrangers, de permettre l'accès de ses ports, de laisser la voie libre à la civilisation occidentale, ils auraient suscité contre l'ennemi d'Europe la rébellion qui met en ce moment en feu tout le nord du Grand Empire jaune. Toutes les sociétés secrètes chinoises sont sans cesse prêtes à l'action insurrectionnelle. La plupart ont été fondées sur ce principe que le peuple n'ayant aucun recours contre les fonctionnaires du gouvernement, il y a nécessité de s'associer en vue d'une rébellion toujours imminente à la suite des exactions de l'administration. Comment l'insurrection des boxers se terminera-t-elle? Il est certain, a-t-on fait remarquer, qu'ils n'ont rencontré jusqu'ici de la part des autorités chinoises qu'une mollesse, qu'on peut très bien prendre pour une complicité et qui a dû les encourager. Mais ce qui est non moins sûr, c'est qu'on ne paraît point disposé en Europe à laisser plus longtemps le gouvernement de Pékin, inspiré par cette impératrice mère dont on n'est plus à compter les duplicités, favoriser une révolte qui menace la sécurité des étrangers, qui met leur vie en péril. Jean Frollo. Il me paraît représentatif, Pierre Saint-Garavelou, que cet article figure en bonne place dans un journal qui est un des 5 grands journaux populaires, le Petit Parisien. On s'intéresse beaucoup à la Chine. On voit d'ailleurs cela également dans les romans populaires. C'est le moment juste avant où Jules Verne publie un livre qui s'appelle Claudius Bombarnac, 1892, ou un peu plus tard, Paul d'Ivoire, grand succès, Cigale en Chine, où on voit un jeune officier français dans ces années-là qui tombe amoureux d'une Chinoise et il l'emmène dans sa proximité pour découvrir les merveilles du monde occidental. Stéréotype, cliché? Alors, la Chine fascine et les affaires de Chine, comme on disait à l'époque, occupe les titres des grands journaux. La question d'Extrême-Orient, européocentré. Oui, font la couverture des journaux de l'époque, contrairement à aujourd'hui, où on accorde beaucoup moins de place, hein, ces 10-15 dernières années, aux questions, par exemple, asiatiques, à la Chine, à l'Inde, dans les quotidiens français. Donc c'est un point intéressant, y compris un personnage comme Li Rongjiang, par exemple, dont on a parlé, fait la couverture des journaux français régulièrement à la fin du 19e siècle. L'illustration. Par exemple. Donc on voit bien à travers ce compte-rendu que à ce moment-là, ce qui est prévu, ce qui est anticipé par les commentateurs occidentaux, c'est une victoire des rebelles boxeurs. À tel point que dans les concessions étrangères dont on a parlé à l'instant, eh bien les Européens, les Français, les Britanniques, les Russes, les Japonais se préparent à une future défaite. Ils ont même désigné de futurs bourreaux pour au moment où les boxeurs prendront les concessions, dans quelques semaines, dans quelques jours, au début juillet 1900, eh bien, ces bourreaux européens seront chargés de tuer leurs propres femmes et leurs propres enfants pour qu'ils ne tombent pas aux mains de ces boxeurs. Et donc c'est par un retournement inattendu, eh bien, que les troupes alliées, les alliés, eh bien, finissent par vaincre ces boxeurs à Tianjin. 13 et 14 juillet, c'est un hasard. Le 13-14 juillet 1900, c'est un hasard parce que ce ne sont pas les Français qui remportent cette victoire. Ce ne sont pas non plus les soldats états-uniens ou britanniques. Ce sont simplement les Japonais qui, suite à un revers militaire la veille, revers essuyé par l'ensemble des troupes alliées, eh bien les Japonais décident tout seuls de partir à l'assaut ce 13 juillet et font exploser la porte sud à la dynamite, la porte sud de la vieille ville de Tianjin. Ce n'est pas là que sont les concessions, elles sont en dehors. Les concessions se trouvent au sud-est de la ville. Donc elles font exploser les... Font exploser la grande porte sud de la ville où s'était retranché l'essentiel des boxeurs. Et... eh bien, envahissent la cité. À leur suite, quelques heures plus tard, les autres troupes alliées les retrouvent. Et c'est à ce moment-là que les soldats russes, britanniques, français, états-uniens se livrent à un massacre. Massacre sous couvert de tuer les boxeurs, eh bien, ils vont massacrer des femmes, des enfants, des civils, parce que on considère à l'époque, hein, c'est un des grands principes de la guerre coloniale, de cette guerre asymétrique, eh bien que les civils sont souvent s'associent aux boxeurs, les aident, leur apportent un soutien logistique. Et que les boxeurs se dissimulent dans et la que foule. Les boxeurs un peu se comme dissimulent les djihadistes dans la foule. Aujourd'hui dans d'autres pays. Précisément, on considère également que tout enfant, tout adolescent, toute jeune fille est susceptible d'être une lanterne rouge, une boxeur femme. Et donc, plusieurs milliers de civils seront massacrés en quelques heures à ce moment-là, le 14 juillet. Et puis, ces troupes occidentales vont se livrer également à des pillages. Pillage des nombreuses richesses accumulées dans cette cité prospère. On va retrouver beaucoup d'œuvres d'art sur les marchés occidentaux. C'est le deuxième moment de développement du marché de l'art asiatique à l'échelle internationale. Le premier moment, vous l'avez évoqué précédemment, c'est le sac du palais de Pékin, le Yuan Minyuan, en 1860. Oui, à Paris, dans les années 80, le Japon et la Chine sont très à la mode du côté des ébénistes et même des architectes. Oui, c'est très à la mode. Et alors non seulement les artistes, comme en témoignent les collections du musée d'Orsay aujourd'hui, les artistes s'inspirent des arts asiatiques et notamment du Japon, de l'estampe japonaise qui influence énormément tous les grands, les impressionnistes français, par exemple. C'était la passion de Georges Clemenceau dans ces années-là. Oui, grand collectionneur d'estampes, comme Claude Monet d'ailleurs, en témoigne sa maison dans l'Eure. À Giverny. Les soldats qui vont protéger les populations civiles à ce moment-là et tenter de limiter à la fois les massacres et les pillages, ce sont les Japonais qui vont essayer de réfréner ces pillages et de civiliser, si je puis dire, c'est le terme qui est utilisé à ce moment-là, les pratiques de prédation des autres soldats, des soldats occidentaux en l'occurrence. Il faut dire que les Japonais avaient vaincu très brutalement les Chinois dans une guerre spécifique quelques années avant. En 1894-1895, les Japonais avaient, contre toute attente, vaincu leurs cousins chinois, cette mère patrie culturelle chinoise, et c'est à l'origine d'un grand traumatisme en Chine, puisque jusque-là, le Japon était considéré comme un état vassal du grand empire chinois. Alors c'est à la suite de ces événements dramatiques que dans ce monde incertain, où vraiment bouillonne un tourbillon de multiples trafics, appétits, tromperies, etc., que va s'installer ce qui est, et cela a attiré puissamment votre attention, Pierre Saint-Garavelou, s'installer ce qu'on peut appeler le premier gouvernement mondialisé, qui nous intéresse en tant que tel, évidemment. Pendant 2 ans au moins, il y a un gouvernement mondialisé à Tianjin. Il faut que vous nous le décriviez. Oui, dès la prise de la ville, se pose la question de la gestion de cette cité de Tianjin et de sa région. La province du Jili et ses 8 puissances alliées s'interrogent sur la meilleure manière de procéder. Aucune grande puissance ne parvient à s'imposer, ne parvient à imposer son hégémonie, son leadership sur les autres, ni la Grande-Bretagne, ni les États-Unis, ni la Russie ou le Japon, et s'impose donc tout naturellement l'idée d'un gouvernement international où chaque puissance serait représentée. Chaque puissance serait représentée en exerçant chacune ses responsabilités dans le cadre d'un ministère, d'un portefeuille qui correspondrait à son génie national. Ça veut dire le trésor pour les Allemands, la justice pour les Américains, la police pour les Britanniques et pour les Français. La santé, puisque les médecins militaires français étaient déjà très présents en Chine, comme dans d'autres espaces ultramarins. Et, il faut dire que Li Rongjiang, le vice-roi de Chine, avait déjà sollicité l'aide d'un médecin français pour promouvoir sa politique sanitaire à la fin du 19e siècle en Chine. Et tout naturellement, ce sont des médecins français qui se chargent de cette espèce de ministère de la santé de Tianjin. Et donc cette expérience va durer 2 ans. Et d'ailleurs, c'est un Français, Marc Monnier, qui invente une machine pour distiller l'eau si précieuse à Tianjin. Oui, ce sont les Alliés qui vont développer un nouveau système d'adduction d'eau dans la ville. Alors, il y avait déjà eu plusieurs tentatives par des entrepreneurs chinois à la fin du 19e siècle. Et c'est vrai que les puissances alliées vont tenter d'illustrer cette fameuse mission civilisatrice. Mission civilisatrice qui est quand même le credo du colonialisme européen puis occidental dans la seconde moitié du 19e siècle. En tentant de mettre en place un certain nombre de réformes dans cette cité, en aménageant le territoire, en construisant des ponts, en améliorant la voirie, en mettant en place un nouveau système d'éclairage électrique, mais aussi en réformant, par exemple, la prostitution. Et là encore, le Japon s'illustre en imposant l'interdiction de la prostitution des adolescents et des enfants de moins de 13 ans contre l'avis des puissances occidentales. Qui était pour le maintien de cette barbarie. Oui, parce que à cette époque, l'un des principaux outils de l'expansion occidentale, en l'occurrence, était la mise en place de bordels militaires, de bordels de campagne, qui permettaient de maintenir pendant de longs mois, et là, en l'occurrence, plusieurs années, des troupes en nombre sur place. Il est vrai que c'est aussi le moment où, en France et en Occident, il y a des débats si passionnés entre les partisans de la réglementation et ceux qui pensaient qu'il ne fallait pas aller dans cette direction, parce que c'était une manière d'agréer le fait même de la prostitution. Mais restons dans votre Tianjin, Pierre Saint-Garavelou. Vous démontrez, à propos de ce cas particulier, vous démontrez que la colonisation peut être imbriquée avec l'internationalisme. Oui, c'est une question très importante. On a considéré très longtemps que la colonisation, l'expansion coloniale était synonyme de rivalité interimpériale, rivalité entre les empires. En réalité, ce qui a prévalu la plupart du temps au 19e et au 20e siècle, c'est la coopération entre les empires, la coopération qui seule permet précisément cette expansion. D'habitude, on distribuait les terres et là, on se retrouve sur la même. C'est l'expérience est tout à fait passionnante, y compris sous un regard contemporain. Oui, alors cette coopération impériale est indispensable précisément parce qu'elle permet à chaque puissance d'étendre la superficie de sa concession. Elle permet aussi aux puissances occidentales et au Japon de faire pression sur le gouvernement impérial chinois pour obtenir davantage d'indemnités. Donc c'est aussi la fonction de ce gouvernement international pendant 2 ans. Et en même temps, on s'aperçoit qu'une histoire par le bas de cette présence des troupes issues de ces différents pays, ces différents empires en Chine à Tianjin, nous révèle aussi les fortes dissensions, les fortes rivalités, les fortes tensions, puisque ces troupes étrangères ne cessent de se battre entre elles dans les rues de Tianjin à travers d'innombrables rixes entre soldats russes et soldats britanniques, nombreuses bagarres de rue qui font des dizaines de morts, des bagarres de rue entre soldats français et britanniques, parce qu'il ne faut pas oublier que cette présence militaire occidentale et japonaise, en réalité sur le terrain, a un visage très particulier. Ce sont des soldats mongols qui représentent les Russes, ce sont des soldats vietnamiens qui représentent les Français, ce sont des soldats indiens qui, en majorité, représente l'Empire britannique. Donc, en fait, cet impérialisme dit occidental a, sur le terrain, un visage asiatique. Et c'est en même temps une chambre d'écho formidable au jeu d'alliance des puissances autour de la planète, qui se concentrent. C'est ce qui rend cette expérience si passionnante à considérer. Oui, on voit bien comment, à travers les différents enjeux politiques, que ce soit la régulation de la fausse monnaie ou bien le partage de cette principale ressource stratégique qui est le sel sur place, les différentes alliances se font et se défont. Alliance entre les Français et les Japonais, alliance entre les Anglais et les Russes, dissension ensuite. Donc c'est passionnant de voir comment au cours de ces quelques mois, de ces 2 années, ces relations internationales se tissent et puis se défont aussi rapidement. Quoi qu'il en soit, c'est un point de départ d'une prospérité séculaire. Je voudrais, pour un va-et-vient, vous donner à entendre un reportage qui remonte déjà à 1984, un quart de siècle, mais néanmoins parlant. Un reportage télévisé de Marc Drouet sur la ville de Tianjin, diffusé sur FR3. On est le 4 octobre 1984. Située à 120 km au sud-est de Pékin, Tianjin est par ordre d'importance la 3e ville chinoise. Tianjin et sa banlieue comptent 7 800 000 habitants, 2 fois plus que tout le Nord-Pas-de-Calais, mais à l'échelle de la Chine qui compte aujourd'hui plus d'un milliard d'habitants, il n'y a pas là matière à étonnement. Le plus étonnant dans ces images qui nous arrivent de Tianjin, c'est qu'elles balaient d'un coup tous les vieux clichés relatifs à la Chine, jong, pagode, rizière, etc. Certes, Tianjin constitue un cas un peu à part, une région plus développée que beaucoup d'autres régions de la Chine, mais force est de constater qu'en dépit des vicissitudes de la vie politique, la Chine, depuis 35 ans, s'est dotée d'une industrie puissante et moderne. La région de Tianjin est particulièrement développée. Des centaines d'entreprises industrielles de toutes dimensions y sont implantées. À Tianjin, on fabrique des cerfs-volants, mais aussi des tapis, des montres, du tissu. On y trouve encore une puissante industrie pétrolière, une sidérurgie, une industrie agroalimentaire et de la construction navale. Le sol est riche, il recèle du charbon, du pétrole et des gisements géothermiques. Le sol autorise toutes sortes de cultures, y compris le raisin transformé en vin. Pour en arriver là, la Chine n'a dans un premier temps compté que sur elle-même, mais depuis plusieurs années, elle s'est ouverte aux investisseurs étrangers. Tianjin a établi des relations commerciales avec plus de 150 régions ou pays. Elle a signé par exemple avec les Japonais pour l'extraction de son pétrole et avec l'entreprise française Rémy Martin pour produire du vin. Tianjin, c'est également une université avec 29 facultés et plus d'une centaine d'instituts de recherche scientifiques et techniques. En dépit ou justement à cause du niveau de développement jugé par les dirigeants chinois encore insuffisant, la Chine a donc décidé de s'ouvrir encore plus sur l'extérieur. Vous discernez, Pierre Saint-Gravelou, des permanences. Est-ce qu'il y a, dans cette période que nous étudions, que vous étudiez, c'est-à-dire Tianjin 1900, déjà des germes de cette prospérité ultérieure? Oui, et ça n'est pas un hasard si Deng Xiaoping, à l'extrême fin des années 70, à partir de 79 et puis surtout au début des années 80, transforme Tianjin en zone économique spéciale et en fait donc un des principaux pôles de cette mondialisation chinoise qui va prendre son essor, qui va reprendre son essor finalement à la fin du 20e siècle. Et donc Tianjin, à travers cette nouvelle zone de Binhai, devient un des principaux centres industriels du pays, notamment à travers le développement de l'aéronautique. Airbus va être présent dans cette région. Et c'est d'ailleurs ce qui va faire connaître Tianjin dans le monde entier, très récemment, en 2015, avec cette fameuse explosion qui s'est produite dans la zone industrielle de Tianjin, qui va faire énormément de dégâts à ce moment-là. Donc oui, Tianjin est au fond un centre de la mondialisation dès la seconde moitié du 19e siècle, et puis redevient aujourd'hui cette métropole mondiale. Et ça, c'est intéressant de voir comment le gouvernement chinois a décidé très récemment de rénover le quartier des concessions, de le mettre en valeur, notamment en reconstruisant à identique un certain nombre de bâtiments, ce qui fait que lorsque vous vous promenez à Tianjin aujourd'hui, eh bien, ça ressemble un peu à une espèce de Disneyland historique. C'est devenu une des principales destinations touristiques des Chinois qui aujourd'hui visitent avec grand plaisir, notamment la concession française et la concession italienne, pour y découvrir les gastronomies du monde et puis aussi des formes architecturales qui sont réinventées, réadaptées, rêvées, fantasmées par les architectes chinois. On peut retrouver en somme la formule qu'avait employée Herbert Hoover, vous savez, le président des États-Unis des années 20, qui à l'époque, jeune homme, était à Tianjin, encore un personnage intéressant que vous avez débusqué, et qui parlait d'une ville universelle, d'un monde en miniature. Alors un dernier mot, puisque nous sommes dans notre actualité sanitaire, un mot sur la politique sanitaire des puissances occidentales pendant ces deux années de gouvernement partagé 1900-1902. Alors c'est un domaine très important où rivalisent les médecins japonais et les médecins français, avec l'émergence aussi des médecins chinois à ce moment-là, des médecins formés à l'occidental, parce que il y a plusieurs pandémies mondiales qui frappent le nord-est de la Chine. D'abord la peste, à laquelle Tianjin échappera miraculeusement en 1900, et puis surtout le choléra. Là le choléra qui arrive, c'est la chanson dans ces années-là d'Aristide Bruant à Montmartre. Oui, le choléra frappe très durement la ville de Tianjin en 1902, qui s'est préparée à l'épidémie de peste, et donc qui, lorsque le choléra arrive, eh bien, a mis en place un certain nombre de dispositifs de quarantaine, avec des lazarets dans lesquels sont isolés les malades, et on dirait aussi aujourd'hui les cas contacts. Et puis aussi un certain nombre de techniques, l'usage de la chaux par exemple, une conception très policière au fond de la gestion de l'épidémie, puisque les personnes qui par exemple décideraient d'inhumer dans leur coin des colériques décédés de la maladie, eh bien sont susceptibles d'être condamnées à 2 ans de travaux forcés. Donc une politique très très offensive de lutte contre l'épidémie. Et ce qui est particulièrement intéressant dans l'expérience de Tianjin, c'est le fait que les observateurs français, les médecins français notamment, s'aperçoivent que la médecine traditionnelle chinoise peut avoir un effet très bénéfique dans la lutte contre le choléra, par exemple l'acupuncture. Et donc à ce moment-là, eh bien, les premiers traités d'acupuncture rédigés par des médecins français paraissent précisément en 1902, à l'occasion de cette épidémie de choléra. On considère que la médecine traditionnelle chinoise a des choses à apporter à l'Occident. Pas seulement l'acupuncture, puisque on a appris qu'au XVIe siècle déjà, on vaccinait, il y avait la variolisation, alors qu'on est si fiers en Occident pour la fin du XVIIIe siècle avec Jenner d'avoir introduit cette première vaccination. Elle est antérieure en Chine. C'est intéressant à rappeler par les temps qui courent. Bien entendu, c'est cette variolisation inventée au XVIe siècle qui explique pourquoi la population chinoise de Tianjin et d'ailleurs, eh bien, accepte plutôt bien la campagne de vaccination contre la variole qui est mise en place par le gouvernement international entre 1900 et 1902. Le masque aussi aurait des précédents Alors le masque prophylactique que nous connaissons désormais tous parfaitement, eh bien, se développe d'abord en Chine, en 1911, à l'occasion de la peste de Mandchourie. Ce sont des médecins chinois et japonais qui vont promouvoir son usage à ce moment-là. Et c'est ce qui explique en grande partie pourquoi, eh bien, depuis longtemps, l'usage du masque prophylactique est utilisé en Asie orientale, pas seulement en Chine, aussi au Vietnam, pour lutter contre les maladies, la transmission des maladies respiratoires, et puis aussi pour lutter contre la pollution. Vous trouveriez une descendance de cette efficacité sanitaire au début du XXe siècle à Tianjin, dans l'histoire contemporaine, immédiatement contemporaine de la Chine. Après tout, on est frappé par les résultats, par comparaison avec nous, magnifiques de la politique sanitaire de Taïwan, par exemple. Oui, on retrouve dans toute l'Asie orientale des politiques publiques qui ont réagi beaucoup plus rapidement à la pandémie dès le début de l'année 2020. Alors Taïwan est un exemple spectaculaire puisqu'on compte au total un mort pour 1 300 000 habitants, alors qu'aux États-Unis c'est un décès pour 1000 habitants. Et ça s'explique parce que le gouvernement taïwanais, comme le gouvernement coréen à sa suite, eh bien a mis en place une politique systématique de tests et l'imposition du port du masque très très rapidement, et des masques qui sont produits en masse en Asie, notamment en Chine, qui produisait jusqu'à aujourd'hui plus de la moitié des masques dans le monde. Eh bien, c'est sur ce rapprochement ou cette continuité, cette causalité que nous allons clore notre conversation. Pierre Saint-Garavelou, je vous remercie d'être venu à ce micro. Je rappelle le titre du livre sur lequel nous avons fondé notre conversation. C'est Tianjin Cosmopolis, une autre histoire de la mondialisation, paru en 2017 dans la belle collection Univers historique au Seuil. Je ne pourrais pas ici détailler votre production historique, qui est considérable et que l'on trouvera détaillée sur notre site, que connaissent bien nos auditeurs, le site de l'émission. Mais je voudrais néanmoins rendre hommage à un livre tout récent, paru chez Fayard en 2020, en complicité avec votre ami Sylvain Venère, autre historien remarqué de votre génération, La mondialisation par les objets du XVIIIe siècle à nos jours. C'est un recueil d'articles. Oui, une centaine d'historiennes et d'historiens ont bien voulu participer à ce livre collectif sur l'histoire de la culture matérielle et son rôle dans la mondialisation. Et puis, il y a un autre livre de vous que j'apprécie beaucoup, et en l'occurrence c'est avec Quentin Deluermoz que vous avez travaillé, qui est une réflexion sur l'Uchronie, pour une histoire des possibles, analyse contrefactuelle et futur non advenu. Eh bien, je vous réinviterai, c'est un engagement dans quelques mois, pour parler de l'histoire des possibles. Vous êtes honoré, Pierre Saint-Garavelou, par un beau portrait dû à la plume de Virginie Bloch-Lenné dans le dernier numéro, celui de février, de la revue L'Histoire. Chacun s'y référera avec curiosité et considération. Alors un mot pour finir qui n'a rien à voir, qui concerne l'émission de la semaine dernière avec Bernard Cerchiglini sur le franglais. J'avais, imprudemment peut-être, lancé une invitation à nous proposer des traductions du mot podcast et podcaster. Et alors j'ai reçu une pluie de suggestions, je me contente de les citer, d'en citer un certain nombre qui vont faire réfléchir, j'imagine. Télémission, nomadiffusion, écoute baladeuse, post-ouïr, c'est assez joli, ouïr, post-ouïr, un post-ouïr, transpodé, récidio, balado, baladel, baladio, post-écoute, trois voix pour post-écoute, post-audio, audio c'est aussi ce que propose la commission de terminologie, et puis baladif, etc., etc. Bref, merci à tous les auditeurs pour cette efflorescence, peut-être cela pourra inspirer les parler plus tard. En tout cas, vous pourrez, vous, balado diffuser, écouter, télémissionner, post-ouïr cette émission. Samedi prochain, nous parlerons de Jean Giraudoux. Peut-être un peu trop négligé aujourd'hui. Jean Giraudoux sous un angle spécifique. Jean Giraudoux, la France et l'Allemagne. Actualité évidente encore. Je recevrai pour en parler Yves Landerouin, spécialiste de ce dramaturge essentiel. Et lundi matin, vous retrouverez à 9h le cours de l'histoire de Xavier Mauduit, bien sûr. Il consacrera sa semaine à l'histoire du handicap. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guérou, réalisée par Yaël Mandelbaum, comme chaque semaine, avec Yves Lehorse à la prise de son, François Merlin à la discothèque et Hervé Evano pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et puis, comme chaque semaine, la documentation de Radio France vous a fourni une très précieuse revue de presse. Et dans quelques instants, eh bien, vous allez retrouver, comme chaque samedi, Christine Ockrent pour Affaires étrangères. Je lui passe le relais.